Ésaïe chapitre 58. Crie à plein gosier, ne t'épargne point, élève ta voix comme un cor, et déclare à mon peuple leur iniquité, et à la maison de Jacob leur péché. Car ils me cherchent chaque jour, et prennent plaisir à savoir mes voies, comme une nation qui aurait suivi la justice, et qui n'aurait point abandonné le jugement de son Dieu. Ils s'enquièrent de moi des jugements de justice, et prennent plaisir à approcher de Dieu, et puis ils disent. Pourquoi avons-nous jeûné, et tu n'y as point eu d'égard? Pourquoi avons-nous affligé nos âmes, et tu ne t'en es point soucié? Voici, au jour de votre jeûne vous trouvez votre volonté, et vous exigez tout sans quoi vous tourmentez les autres. Voici, vous jeûnez pour faire des procès et des querelles, et pour frapper du poing méchamment, vous ne jeûnez point comme ce jour le requérait, afin de faire que votre voix soit exaucée d'en haut. Et cela le jeûne que j'ai choisi, que l'homme afflige son âme un jour? Est-ce en courbant sa tête comme le jonc, et en étendant le sac et la cendre? Appelleras-tu cela un jeûne, et un jour agréable à l'Éternel? N'est-ce pas plutôt ici le jeûne que j'ai choisi, que tu dénoues les liens de la méchanceté, que tu délies les cordages du joug, que tu laisses aller libre ceux qui sont foulés, et que vous rompiez toujours? N'est-ce pas que tu rendes ton pain à celui qui a faim, et que tu fasses venir en ta maison les affligés qui sont errants, quand tu vois un homme nu que tu le couvres, et que tu ne te caches point arrière de ta chair? Alors ta lumière éclora comme l'aube du jour, et ta guérison germera un continent, ta justice ira devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu prieras, et l'Éternel t'exaucera, tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu ôtes du milieu de toi le joug, et que tu cesses de hausser le doigt, et de dire des outrages, si tu ouvres ton cœur à celui qui a faim, et que tu rassasies l'âme affligée, ta lumière naîtra dans les ténèbres, et tes ténèbres seront comme le midi. Et l'Éternel te conduira continuellement, il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses, il engraissera tes os, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne défaillent point. Et des gens sortiront de toi, qui rebâtiront les lieux déserts depuis longtemps, tu rétabliras les fondements ruinés depuis plusieurs générations, et on t'appellera le réparateur des brèches, et le redresseur des chemins, afin qu'on habite au pays. Si tu retires ton pied du sabbat, toi qui fais ta volonté au jour de ma sainteté, et si tu appelles le sabbat tes délices, et honorable ce qui est saint à l'Éternel, et que tu l'honores en ne suivant point tes voies, ne trouvant point ta volonté, et n'usant point de beaucoup de paroles. Alors tu jouiras de délices en l'Éternel, et je te ferai passer comme à cheval, par-dessus les lieux hauts élevés de la terre, et je te donnerai à manger l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé.